Bonjour à tous, ici Le Grémos, groupe de recherche et d'études sur les mémoires du mouvement ouvrier stéphanois. Nous allons reprendre donc nos émissions sur l'antenne de Radio Dio, les émissions qui sont déplacées désormais à partir de ce mois-ci, donc le jeudi de 18 à 19h. Voilà, jeudi de 18 à 19h. Donc aujourd'hui, nous avons deux invités, Georges Goubier et Jean-Paul Bentière, deux invités qui vont nous parler de la CFDT, notamment autour de la projection à venir, ils nous donneront les dates du film Naissance de la CFDT. Donc on va leur donner la parole, à vous messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors on va peut-être se présenter d'abord. Georges, tu te présentes ? Eh bien, donc bonjour à vos auditeurs. Je m'appelle Georges Goubier. Donc j'ai milité quasiment toute ma vie à la CFDT. J'ai été pendant une bonne douzaine d'années secrétaire du syndicat du bâtiment de Saint-Étienne. Puis ensuite je suis allé à Paris. J'ai été permanent à la Fédération pendant une douzaine d'années. Et enfin, j'ai terminé à la Confédération une dizaine d'années aussi par la suite. J'ai été 6 ans membre du Bureau national confédéral. Voilà, merci Georges. Alors, pour ma part, je suis en train de préparer une thèse sur l'Union départementale des syndicats CFDT de la Loire de 1944 à 1988. Voilà. Alors, si on est réunis aujourd'hui, c'est que Georges, tu es à l'origine d'un film qui s'appelle sur la naissance de la CFDT dans la Loire. Alors, tu vas nous dire quelques mots sur pourquoi ce film et pourquoi ce film maintenant. Oui, alors ce film, comme j'étais en relation amicale avec un réalisateur qui nous avait fait préalablement un autre film sur la guerre d'Algérie, on s'était lié d'amitié. Et il m'avait proposé à une époque de faire quelque chose sur le syndicalisme. L'année dernière, je lui ai dit, eh bien, écoute, Dominique Paret, si tu veux faire quelque chose, c'est le bon moment, puisque nous arrivons au 50e anniversaire de la CFDT. Donc, ce sera le 5 novembre de cette année que la CFDT aura 50 ans. Et donc, il a accepté, il a travaillé, il a questionné le CNC, le Centre National du Cinéma, pour essayer d'avoir un financement. Il l'a eu, l'Union départementale CFDT a apporté un complément. Voilà en gros comment nous avons démarré. Alors je dois dire qu'il y a aussi, Dominique Paret a fait appel à une jeune réalisatrice qui travaille avec la télévision belge et qui a beaucoup contribué à la modernité de notre film. D'accord. Alors, pour ce film, on va ensemble regarder ce qu'il y a dedans, les choses intéressantes. Mais au départ, tu as choisi de replacer la CFDT dans l'histoire du mouvement ouvrier. Et on propose à nos techniciens de nous envoyer maintenant la chanson de l'ouvrier que tu chantais, mais tu en diras quelques mots après quand on l'aura passé. D'accord. Nous dans la lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid et la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pouvons qu'annonce tes ougondes. Buvons, buvons, buvons à la dépendance du monde. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Trouvons les flots de nos sueurs, nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire la ronde, que le canon se désouvre. Buvons, buvons, buvons. Sur Radio Dio, l'émission du Grémos, avec nos amis Jean-Paul Bentière et Georges Goubier qui nous parlent de la CFDT et qui vont nous dire quelques mots sur ce chant de Pierre Dupont. D'accord. Alors Georges, tu disais que ce chant, pour toi, évoque des souvenirs très précis. Ah ben, c'est un des chants que j'ai appris lorsque j'étais à la JOC, quoi, la Jeunesse Ouvrière Catholique. Et puis on en chantait bien d'autres, hein, mais notamment celui-ci. Et bon, voilà, je l'ai choisi. J'aurais pu en choisir d'autres, mais enfin voilà, oui, oui. À cette époque, on aimait chanter ça quand on était en groupe, quand on faisait des stages, par exemple, on chantait cette chanson. D'accord. Alors tu évoquais la JOC, et la JOC a joué un rôle très important. En fait, dans la CFTC et dans la CFDT. Et maintenant, je te propose qu'on passe à la période de l'entre-deux-guerres. Alors, pour toi, donc c'est après ces luttes ouvrières du 19e siècle, le film évoque la CFTC dans l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce que tu en retiens, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette histoire de la CFTC dans l'entre-deux-guerres? Je crois que déjà la guerre, mes aînés, ce que j'ai appris à connaître après quand je me suis engagé syndicalement. Moi, je me suis engagé dans les années 54, donc j'ai fait la découverte d'un certain nombre de militants, Jean Pralon, René Matvey, Étienne Chauvet, etc. Bon. Donc ce que j'en retiens, c'est de... Une, une ouverture, une grande ouverture, donc déjà la jeunesse. J'ai été bien accueilli. Je me souviens avoir participé à un premier congrès de l'UD qui devait avoir lieu à peu près à cette époque, 54. Et donc j'ai apprécié les militants, leur ouverture, la discussion que j'avais avec eux. Voilà, c'était essentiellement ça, parce que préalablement, moi, dans la première entreprise où j'ai travaillé, je m'étais syndiqué CGT. Ben, pour la bonne raison que c'était essentiellement la CGT qui était dans cette entreprise, c'était l'entreprise Murat. Et donc j'ai fait mes armes un peu avec eux aussi, puisque j'avais fait près d'un mois de grève. Bon, il y avait eu quantité de problèmes qui avaient été posés entre les jeunes de cette entreprise et puis la direction. D'accord. Mais voilà, je ne m'étends pas. Je m'étends D'accord. Plus, Alors, plus. Si on revient en quelques mots sur la CFTC dans l'entre-deux-guerres, on va dire que dans ce syndicat, qui est principalement un syndicat d'employés à l'époque, il y a une tension entre une volonté de collaboration de classe et puis de lutte des classes qui commence à apparaître, en particulier au moment du Front populaire. À ce moment-là, il y a un certain nombre de militants de la CFTC qui participent aux grèves du Front populaire, en particulier à la grève de Manu France en 1937 à Saint-Étienne. Puis l'autre aspect, si on étend à la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la CFTC, après des hésitations, va refuser la charte du travail proposée par Pétain et va, son président va participer au Comité national de la résistance. Gaston et donc Tessier. Ça sera Gaston Tessier, donc ça sera un élément important. Et du coup, on va arriver maintenant après la guerre 39-44, et c'est le gros morceau du film, en fait, c'est quand même l'évolution de la CFTC en CFDT entre 1944 et 1964. Alors, cette histoire-là, elle est évoquée par des témoins. On peut dire un mot de ces témoins ? Alors, Camille, je les cite et oui, puis tu dis quelques mots d'eux. Camille Soutrenon. Camille Soutrenon. Oui. Alors, vas-y, tu peux dire. Bon, alors Camille Soutrenon, c'était... Il travaillait dans une entreprise de sidérurgie à Firminy. Il a été responsable à Firminy de la CFTC de l'époque, puis ensuite de la CFDT, bien sûr. Et puis il y avait aussi Pierre Pelletier. Alors Pierre Pelletier, lui, était à Saint-Étienne, à la CAFL. Il a été délégué du personnel toute sa vie, pratiquement. Il est resté délégué, mais il contribuait beaucoup à l'évolution du syndicat des métaux. Albert Chaise sur Saint-Chamond était également aux aciéries de la marine, pardon, oui. Aux aciéries de la marine. Il a assuré plusieurs responsabilités, dont président du comité d'entreprise, et il a fait pas mal, il a pris pas mal d'initiatives. Alors, autre témoin de l'époque, Gilbert Palace. Gilbert Palace, qui était à la CAFL de Saint-Étienne, chez Schneider d'abord. Ouais. Schneider à Saint-Étienne. Il a eu aussi plein de responsabilités. Il était membre du syndicat des métaux. Et puis, il a toujours été délégué du personnel aussi dans son entreprise. Alors, il y a ensuite Camille Barou. Camille Barou, qui lui est de Rive-de-Gier, donc il a été secrétaire de l'Union locale de Rive-de-Gier, et puis il était aussi à la métallurgie. Tous les gens que j'évoque là et qui ont témoigné, il y en a encore d'autres. Mais il y a Taurine Véro, peut-être, dont il faut dire un mot. D'accord, alors ce que je voulais dire, c'est que tous ces gens-là ont participé au congrès de 1964 sur l'évolution. D'accord. Taurine Véro, je ne crois pas. Taurine Véro est-elle une fille du textile, la plus ancienne d'entre nous, en tout cas dans les témoins. Elle doit avoir aujourd'hui aux alentours de 94 ans. Elle témoigne de ce qu'elle a vécu dans son entreprise et de ce que les filles vivaient dans leur entreprise à cette époque, le textile. Elle dit notamment que lorsque le patron arrivait dans leur entreprise, les filles baissaient la tête et il fallait qu'elles disent la prière tous les matins. D'accord. Donc, voilà. Alors, et puis après, elle parle aussi de ses rapports. Après, elle est devenue permanente du textile pendant quelques années et elle parle de ses rapports avec René Matvey notamment. D'accord. Et puis, donc, il y a deux autres témoins. Il y a Marcel Durand qui intervient, elle aussi. Alors, Marcel Durand est également une fille beaucoup plus jeune que Taurine. Elle a participé beaucoup aux luttes de 68 dans le textile et elle parle particulièrement dans le film de ce qu'elle a vécu avec la guerre d'Algérie. Alors elle personnellement évidemment n'avait pas de rapport direct avec la guerre, mais elle parle de son ami qui est parti là-bas et qui est resté, quoi. Elle parle aussi de son frère qui a fait la guerre là-bas et donc elle l'évoque avec beaucoup de vigueur, cette guerre. Et alors, puisqu'on est en train de parler de l'évocation de la guerre d'Algérie, il y a aussi Michel Chaffray. Alors, Michel Chaffray, elle était la fille de Jean, qui était... Jean Plénet, qui, lui, était secrétaire ou président de l'Union locale du Chambon-Feugerolles, et qui, pendant la guerre d'Algérie, s'est engagé à recevoir des gens, des Algériens, pour les aider dans leur combat pour la paix en Algérie. Et elle dit combien, elle, qui était petite fille à l'époque, des difficultés qu'ils ont vécues dans la famille, car ça a été assez difficile, notamment avec la période de l'OAS, qui avait condamné son père à la peine de mort. D'accord. Alors, dans ce film aussi, il y a trois historiens qui parlent. Et il y en a un que je voudrais évoquer tout de suite, c'est Christian Saint-Cernin. Mm-hmm. Christian Saint-Cernin est arrivé à Saint-Étienne comme jésuite, mais c'était un jésuite qui voulait devenir prêtre ouvrier. Il a été militant de la CFDT. Il a participé à l'écriture du livre 150 ans de vie ouvrière sur le mouvement ouvrier stéphanois et puis sur l'histoire de la CFDT. Et Christian Saint-Cernin, qui est né en 1946, malheureusement est mort au printemps 1974. Et moi, je peux dire que bien entendu, cette mort m'a beaucoup touché. Et par rapport à au travail que je fais sur l'histoire de la CFDT, je pense que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre de Christian Saint-Cernin. Et les deux autres témoins, qui sont à la fois les deux autres historiens, donc c'est moi-même. Jean-Paul, toi-même. Voilà. Et puis aussi Pierre Héritier. Lui était un salarié de la banque. Il a été délégué d'abord à la Lyonnaise, puis ensuite il est devenu permanent de l'Union départementale. Il y est resté une bonne dizaine d'années, je crois, peut-être un peu moins, parce qu'il est devenu ensuite secrétaire de l'Union régionale Rhône-Alpes pendant quelques années. Puis ensuite, il est allé à la Confédération, donc dans les années... En 1982 jusqu'à 88, voilà. Donc il était à la commission exécutive, secrétaire national, chargé du secteur économique. Voilà. Alors, cette période, elle est marquée, en fait... par la lutte d'une minorité de la CFTC qui veut transformer ce syndicat. Qui veut transformer ce syndicat dans plusieurs directions, qui veut le faire évoluer vers un syndicat laïque. et qui veulent faire évoluer vers un syndicat qui prend des positions politiques et qui en particulier prend position pour le socialisme. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu de cette lutte de la minorité ? Oui, alors, donc il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque. Hein, pour ce qui me concerne, tout de suite après la guerre d'Algérie, déjà avant la guerre d'Algérie, il y avait des militants. Moi je débarquais, hein, donc je ne peux pas trop dire sur quelle position ils étaient à cette époque-là, mais déjà il y avait des tensions. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu toute cette période de l'après-guerre où la CGT était toute puissante. Et les gens de la CFTC dont tu parlais, qui étaient au début des employés, ont eu bien du mal à percer parce que, à chaque fois, ils étaient montrés du doigt, un peu comme un syndicat jaune, quoi. Et donc, ici, en tout cas dans la Loire, ils s'en défendaient. Et ils ont fait la preuve à travers, par exemple, la grève de Manu France dont tu parles, qu'ils n'étaient pas jaunes, puisque... D'ailleurs, là, il y a eu des tensions avec la Confédération CFTC parce qu'elle trouvait qu'ils allaient bien loin à travers cette grève. Et elle avait notamment demandé que les femmes ne restent pas à faire les piquets de grève le soir dans l'entreprise. C'était pas bien pour les chrétiens, évidemment. Donc il y avait toute cette tension là qui s'est créée progressivement. La CGT d'un côté qui pressait et puis qui était totalement influencée par le Parti communiste à cette époque-là. Et donc il y avait cette volonté aussi des gens qui arrivaient de la JOC, un certain nombre, pas tous. Il y avait aussi des prêtres ouvriers qui sont engagés dans les entreprises. Et il y avait cette volonté de faire un syndicalisme ouvert à toutes les tendances, à toutes les formes de pensée. Et bien évidemment, en ayant une carte CFTC, en proposant une carte CFTC aux gens dans les entreprises, moi j'étais dans le bâtiment à cette époque-là, c'était quand même très difficile, quoi, parce que les gens disaient « Ah, mais moi je suis pas chrétien, ou j'ai pas envie d'avoir... » une étiquette chrétienne à travers mon engagement syndical. Donc il y avait un barrage, quoi, hein, et il fallait absolument ouvrir ce syndicalisme à tout le monde, quoi. Voilà, c'était essentiellement ça. Et donc bien sûr il y a eu beaucoup de tensions parce que l'Église de son côté poussait pour que cette CFTC perdure et puis s'affirme. Il y avait cette pression, quoi. Alors, là-dessus, moi, je dirais que dans le mouvement, cette évolution qui s'est passée entre 1961 et 1964, il y a très peu d'interventions de l'Église. Mais c'est des résistances d'une partie de la direction de l'ancienne CFTC et qui est majoritaire pendant très, très longtemps. En fait, la minorité... va devenir majoritaire avec l'élection d'Eugène Descamps au secrétariat général, et ça se passe en 1961. Mais auparavant, oui. au niveau confédéral, c'est l'ancienne majorité qui veut rester un syndicat chrétien, qui reste majoritaire, en fait, de 45 en 1961. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Loire, en fait, c'est les minoritaires, ceux qui veulent changer, qui sont devenus majoritaires dès 1946, avec comme dirigeant René Mathevé, dont tu as parlé. Oui. Alors, oui, dans cette évolution, tu as parlé de la guerre d'Algérie, et dans cette évolution, la guerre d'Algérie a joué un rôle important dans le changement de majorité à la CFTC. Oui, je crois que tous les jeunes qui ont participé ou pas, mais beaucoup de jeunes, il y a probablement 90 à 95% des jeunes français qui ont été appelés à prendre les armes pour aller, on disait à cette époque, pacifier en Algérie. En fait, c'était une pacification un peu particulière, puisqu'on est allé jusqu'à la torture, jusqu'à tuer des gens. Il y a eu quand même... beaucoup d'Algériens qui ont été tués. Il y a eu aussi des jeunes Français, puisque ça tourne autour de 30 000, le nombre de morts de jeunes Français. Donc c'était une véritable guerre, hein, mais bon, aucun des gouvernements ne reconnaissait cela, quoi, hein. Alors évidemment, les mentalités ont beaucoup changé à partir de là. Les jeunes qui sont revenus n'avaient pas les mêmes idées vis-à-vis du syndicalisme, vis-à-vis de l'Église. Il faut dire aussi que là, l'Église était partagée, puisqu'il y avait des gens qui étaient au MRP, Mouvement Républicain Populaire, qui était présidé par Georges Bidault, qui était un ancien résistant, président du Conseil national de la Résistance, et qui, là, au moment de la Grande Guerre de 39-45, a joué un rôle important. Mais ensuite, il a dévié, il est parti sur les mêmes idées que les gens de l'OAS, il était pour l'Algérie française à fond, et beaucoup de gens qui étaient à la CFTC des responsables étaient aussi favorables à poursuivre la guerre en Algérie parce qu'ils étaient pour l'Algérie française. Et donc le MRP, dans lequel il y avait des gens de la CFTC qui étaient engagés, et rester sur ces bases-là, tandis que tous les jeunes qui revenaient d'Algérie, et puis les responsables dont on vient d'évoquer, Étienne Chauvet, Matvey, Pierre Héritier, André Garnier, etc., Jean Rochatin aussi, étaient des gens qui étaient tout à fait pour la paix en Algérie, même pour l'indépendance de l'Algérie, ils le disaient ouvertement. Au début de la guerre d'Algérie, ça n'a pas été simple parce que les travailleurs, Pierre Pelletier le dit bien dans le film, les gens dans les entreprises disaient ben non, parlons des salaires, parlons des conditions de travail. La guerre d'Algérie, ils n'ont qu'à régler ça entre eux, mais bon, eux, la CFTC de l'époque, il y avait les idées des responsables qui étaient pour la paix en Algérie. Et même pour l'indépendance, mais ils ne trouvaient pas un appui suffisant chez les travailleurs. Cet appui est arrivé ensuite au moment où la création de l'OAS, après l'arrivée de De Gaulle, et un peu le virage de De Gaulle, on peut dire. Et là, effectivement, les travailleurs sont descendus dans la rue parce que il y a eu une peur aussi de voir débarquer l'extrême droite, le fascisme. Voilà. Alors, je rajoute un point justement sur ces tensions. Donc, quand tu as parlé des responsables qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie, il s'agit bien des responsables de l'UD de la Loire. Oui. Mais à l'intérieur même de ces responsables de l'UD de la Loire, Christian Saint-Cernin avait fait un article non publié sur l'UD-CFTC pendant la guerre d'Algérie. Et il montre dans cet article que le président de l'UD-CFTC démissionne en 1960 parce qu'il n'est pas d'accord avec les positions qui sont prises par le bureau de l'UD, donc qui est dirigé par René Matvey. C'est donc bien qu'il y ait eu des tensions fortes, y compris au sein de l'UD. Et puis donc, ce que dit Pierre Pelletier que tu reprends, c'est que, en fait, les travailleurs, ils étaient intéressés d'abord par leur salaire et que les faire manifester sur les guerres d'Algérie, c'était plus difficile en ce qui concerne, alors, si on met à part les militants, quoi. Voilà. Alors, pour cette guerre d'Algérie, on va demander à nos techniciens de passer une chanson qui a été célèbre en France parce qu'elle a été interdite à la radio diffusion française. C'est le Déserteur de Boris Vian. Et on la chantait aussi quand on était jeune à la Jouque. D'accord. Le déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Voilà, vous êtes bien sur Radio Dio, l'émission mensuelle du Grémos, qui a, désormais, à partir de cette année 2014, se déroulera le vendredi, le jeudi, pardon, de 18h à 19h, je vais y arriver. Et nous sommes avec Jean-Paul Bentière, Georges Goubier, et nous allons écouter la suite de ce qu'ils ont à nous dire concernant l'histoire de la CFDT. Alors, quelques mots sur cette chanson donc, qui est de Boris Vian. Cette chanson a été écrite en 1954, c'est-à-dire qu'elle se situe dans la période entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Et il faut savoir que d'abord, quand Boris Vian a fait cette chanson, il n'a trouvé personne pour la chanter sauf Mouloudji. Mouloudji ayant exigé un changement d'un certain nombre de paroles de cette chanson. Et d'autre part, cette chanson a été interdite, en fait, de 1954 à 1962. Mmh. Voilà. Il n'empêche que des versions circulaient, puisque Georges nous a dit qu'il l'a chantée. Oui. Dans les groupes de jeunes, on la chantait, oui, assez régulièrement, oui, bien sûr. D'accord. Alors, donc là, on a parlé de la guerre d'Algérie et on était en train de parler de cette période qui va jusqu'à la naissance de la CFDT. Et à partir de 1961, j'ai dit tout à l'heure que Eugène Descamps, qui était un minoritaire partisan de l'évolution de la CFDC en CFDT, arrive au secrétariat général de la CFTC et on lance ce qu'on appelle l'évolution. Cette évolution, elle va durer 3 ans. Elle est longue, elle dure de 1961 à 1964. Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent de cette période-là sur l'évolution, Georges ? Oui, je me souviens qu'on en parlait beaucoup quand je suis revenu après donc, d'Algérie. J'étais dans une entreprise de travaux publics qui s'appelait la Société Générale d'Entreprise. Et bon, j'étais responsable du syndicat. On travaillait beaucoup avec Jean Rechatin, qui était le permanent des mineurs. Donc c'était Jean Rechatin qui animait un peu notre syndicat. Et oui, on en parlait beaucoup. Il y avait aussi Jean Pralon qui venait de temps en temps dire son petit mot. Dans les congrès, il y avait beaucoup d'interventions de tous les jeunes militants en faveur de la suppression du C. Voilà, donc la plupart évoquaient ce que je viens de dire là, il y a quelques instants avant la chanson. Ils disaient combien ils pensaient que... Parce qu'il y avait aussi cette idée d'une ouverture. Donc il y avait au plan national, il y avait l'équipe de reconstruction. Il y avait Paul Vigneault qui était revenu après la guerre de 39-45 des USA. Et qui était quand même un homme, un intellectuel, qui lançait l'idée d'un syndicalisme ouvert et qui ne soit pas influencé par un quelconque parti politique, quoi. Je crois que c'était surtout ça, quoi. Alors que, bon, à cette période, comme je l'ai dit, la CGT était complètement investie par le Parti communiste. Donc les gens qui étaient à la CFTC de l'époque... sentaient bien qu'eux, il y avait quand même aussi... Alors, il n'y avait plus cette pression sur les dernières années, cette pression de l'Église, comme tu l'as dit, Jean-Paul, mais en fait, elle était... Indirectement, il y avait quand même la pression parce qu'il y avait les responsables nationaux qui étaient très, très engagés dans l'Église catholique et qui n'avaient pas une envie fou de changer l'organisation. Donc, il y a eu cette pression par la base, oui, aussi. Alors, Oui. Là encore, il y a une différence entre ce qui se passe au niveau départemental et ce qui se passe au niveau national. Parce qu'au niveau départemental, la très grande majorité des militants et des syndicats est pour l'évolution. Alors, et au niveau national, c'est pas si facile que ça. Et la direction de la CFDT, de CFTC, et en particulier Eugène Descamps, ont été très prudents. Parce que... Dès le départ, il s'est avéré que la Fédération des mineurs partirait en majeure partie. Les seuls mineurs qui ne soient pas partis, c'est les mineurs de la Loire, c'est certains mineurs de la Loire avec Jean Rechatin. Et puis aussi, quelqu'un qui deviendra célèbre dans la CFDT, c'est Jean Caspar, des mines de potasse d'Alsace. Mmh. Mais d'autre part, Eugène Descamps voulait absolument éviter le départ du Nord et de l'Alsace, qui tenait à garder référence au christianisme. Oui. Et en fait, il a fallu trouver des compromis, et à certains moments, l'UD CFDT de la CFTC de la Loire, et en particulier Étienne Chauvet, ont trouvé que Eugène Descamps, il était trop dans les compromis et que ça passait pas assez vite, et que ça marchait pas assez vite. Bon, en fait, toujours est-il qu'on arrive en 64, et l'évolution se fait. La CFDT nouvelle perd la Fédération des mineurs, elle perd environ 15% des adhérents, oui. Et qu'elle ne récupérera qu'avec 1968, alors que l'UD de la Loire, au contraire, curieusement, va gagner des adhérents dans ce mouvement. On estime que sur la période 63-65, l'UD de la Loire gagne 10% d'adhérents. Voilà, donc une différence. Alors, la suite du film, elle est plus brève, mais il y a une partie sur la période 1964-1973. Oui. Donc, vas-y, Georges, les événements marquants de cette période. Alors, je voudrais juste dire un petit mot sur justement, tu as dit, on a mis, il a fallu 3 ans avant d'arriver en 1964, c'était un congrès extraordinaire. Dans le film, un des intervenants dit on aurait dû attendre 1 an ou 2, On aurait dû attendre un an ou deux pour peut-être permettre aux mineurs du Nord de bien réfléchir et de s'engager avec nous. On aurait eu une organisation beaucoup plus forte parce que la CFTC qui existe aujourd'hui n'existerait peut-être pas. Bon, enfin, il dit ça. Donc j'ouvre une parenthèse. Je veux dire aussi, rendre hommage à Jean Rechatin, qui lui n'avait pas du tout envie de devenir un permanent national. Quand ils ont vu que la Fédération des mineurs était complètement démolie, il n'y avait plus rien, donc Jean Rechatin est monté à Paris pour recréer la Fédération des mineurs CFDT. Et donc il a passé 2 ou 3 années, ensuite il a passé le relais à Jean Casper dont tu as parlé. Voilà, je voulais dire ça à propos du congrès de 64. Ensuite, eh bien oui, sur la Loire, ça a été très important. Donc il y a eu des grèves, il y a eu des actions importantes, et puis il y a eu beaucoup de syndicalisation vis-à-vis de la CFDT. Et nous sommes allés jusqu'à 68, où la 68 était un. On peut peut-être s'arrêter sur un point qui est important, c'est l'accord d'unité d'action. Cette unité d'action dont on parle entre la CFDT et la CGT, y a un accord qui est signé au niveau confédéral en janvier 1966 entre la CGT et la CFDT, et qui ouvre une période d'unité d'action de 2 ans. Mmh. Alors c'est quand même un événement très important parce que ce que les militants de la Loire avaient tenté de pratiquer, c'est-à-dire l'unité d'action avec la CGT, même s'ils avaient des contradictions les uns et les autres, eh bien ça va se réaliser au niveau national. Il va y avoir un certain nombre de journées d'action, et puis aussi bien entendu des oppositions et des contradictions entre les deux confédérations. Mmh. N'empêche qu'il y a une unité d'action là qui existe pendant 2 ans. Mmh. Jusqu'au début de l'année 68. Mmh. Mmh. Alors il y a eu, oui bien sûr, il y a eu des actions, il y a eu des grèves, il y en a eu pas mal hein, dans les différentes entreprises de la Loire. Alors, il faut dire qu'on est dans la période de ce qu'on a appelé aujourd'hui les 30 Glorieuses. Mmh. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Mais il faut le reconnaître, quand on le regarde avec du recul, on voit qu'on était dans une période assez faste sur le plan économique. Et sur le plan social, on a obtenu des choses extrêmement importantes, tant sur les congés payés, sur les salaires, qui avaient quand même beaucoup progressé, les conditions de travail, etc. Alors, en 68, après, on a eu d'autres réussites, mais est-ce que tu veux en parler? Tu es en train de dire, à cette époque-là, on a obtenu beaucoup, et puis, il y a 68 qui arrive. Et il y a 68 qui arrivent. Et moi, quand j'ai rencontré un certain nombre de militants de la CFDT, tu me donneras ton avis, ils m'ont dit, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais 3 semaines avant, jamais on serait attendu à ce qu'il y ait, cette grève massive de 1968. Mais c'est vrai, mais parce que on avait obtenu dans toute cette période dont tu parles, 66 là de cet accord CGT-CFDT, des salaires, probablement oui, l'amélioration des conditions de travail sans aucun doute, donc c'était des choses sur l'immédiat. Je pense que 68, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord les étudiants quand même qui ont permis le déclenchement de mai 68. Mais il y avait aussi ce besoin de plus de liberté. Le syndicalisme n'était pas reconnu dans l'entreprise. Et on ne peut pas dire qu'il y avait une grande liberté dans l'entreprise. Le patron était encore souverain, les directions étaient souveraines. Bien sûr, les délégués du personnel existaient déjà. Mais il manquait beaucoup de choses, et je crois que c'est 68 qui nous a permis. Alors il y a eu un déclenchement, moi je m'en souviens très bien, sur Saint-Étienne, quelques jours avant. C'est vrai qu'il y avait eu une manif qui portait sur les libertés, sur tout ça, mais Il n'y avait pas grand monde dans les rues, quoi. C'était essentiellement militant. Et puis 68 est arrivé avec les étudiants, et là tout a changé. Toutes les entreprises se sont mises en grève les unes après les autres. Et moi, je me souviens la mienne. Mes copains délégués sont venus me voir et puis m'ont dit on ne peut pas rester comme ça les bras ballants alors qu'il y a plein d'autres entreprises qui arrêtent. Et donc on a décidé, on est allé voir le patron, on a dit voilà, à partir de demain, on occupe la boîte. Donnez-nous toutes les clés. Je l'explique dans le film. Donc on a pris toutes les clés de l'entreprise et on a occupé pendant 3 semaines. Là, il s'est passé plein de choses que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, mais des choses très intéressantes. En particulier, on a obtenu l'heure d'information une fois par mois. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, la reconnaissance de la section syndicale. Et ça, c'est venu du national. D'accord. Et il y a un événement, il me semble qu'il y a un élément important dans ce qui se passe en 1968, c'est que, pour le coup, le bureau... Enfin, là, tu dis, on est parti, les étudiants ont servi de déclencheur, mais je crois qu'il y a un événement très important, c'est que le bureau confédéral de la CFDT fait le lien entre le combat des étudiants et le combat des travailleurs. Au début du mouvement des étudiants, il y a un certain nombre d'attaques contre les enragés, contre les anarchistes allemands, je pense aux attaques contre Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, oui. Et la déclaration... Alors, c'est pas pour dire que la CFDT était d'accord avec tout ce que... avec Cohn-Bendit sur l'ensemble des choses. Mais la CFDT analyse et rapproche les deux mouvements, le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, en disant que ces deux mouvements luttent contre l'autoritarisme dans la société et pour un avenir qui pourrait être fondé sur l'autogestion. Et cet élément, je crois que cet élément est très important parce que, du coup, il y a un lien qui se crée là entre la CFDT et, on va dire, le mouvement de 68 en général. Oui, je crois que là, la CFDT a bien pris la température de ce qui se passait et était bien dans le sens de cette évolution qui s'est faite en 68. Et la CGT, je m'en souviens très bien, était complètement désorientée. Là. Au début de cette grève, elle disait, mais c'est l'affaire des étudiants. Ils n'étaient pas très partants, les gens de la CGT. Et d'ailleurs, ils ont vite fait d'essayer de récupérer les choses au plan national pour qu'il y ait une ouverture de négociation au niveau des entreprises, au niveau des syndicats, pour repartir dans le sens des revendications qu'elles posaient. Ouais. Mais il n'empêche que, d'après ce qu'on peut savoir, c'est quand même, dans ce qui se passe à Saint-Étienne, c'est quand même la CGT qui joue un rôle très important dans le départ de la grève chez les cheminots. C'est la CGT qui lance la grève chez les cheminots, et c'est aussi la CGT qui lance la grève à la CAFL Le Marais. Et, oui. Et de la CAFL Le Marais, ça va passer dans les autres CAFL. Donc, bien entendu, les deux confédérations n'ont pas la même vue et pas les mêmes revendications sur ce qui est en train de se passer, mais la CGT joue un rôle très important dans le déclenchement de la grève, là. Oui. Enfin, bon, ça dépend à quel niveau on se place, hein, mais je suis à peu près persuadé que les responsables nationaux de la CGT ont plus subi mai 68, en tout cas au début. Après, ils se sont récupérés avec les accords de Grenelle et tout ça. Bon, ils ont retrouvé un petit peu le sens de leurs revendications, mais les revendications de la CFDT et celles de la CGT étaient quand même assez différentes. La CGT mettant l'accent particulièrement sur le pouvoir d'achat des travailleurs, sur les conditions de travail, à l'inverse de la CFDT qui mettait aussi bien sûr l'accent là-dessus. Elle ne se désintéressait pas du pouvoir d'achat des travailleurs, mais elle mettait l'accent sur les libertés syndicales et particulièrement la reconnaissance de la section syndicale. D'accord. Alors, un mot du bilan que le bureau de la CFDT de la Loire fait du mouvement en juin 68. Le bureau de l'UD de la Loire déclare que le mouvement qui a commencé est irréversible et que c'est la première étape d'une révolution que rien n'arrêtera. Alors maintenant on sait que mai 1968 n'était pas la première étape d'une révolution que rien ne pouvait arrêter. Eh oui, malheureusement. Oui, bien, bien. Alors, peut-être quelques mots. Le film va... après 68, le film évoque la grève chez Lip. Oui. À ce moment-là, toi, tu es à Paris. Oui, je suis à Paris. Évidemment, Lip, c'était le phare, quoi. On était toujours dans cette idée d'autogestion, hein. On était sur ce projet même, c'était pas qu'une idée, parce qu'on était, sûr, enfin moi je me souviens, j'étais dans ma fédération construction bois, mais la plupart des autres fédérations, même la confédération, Edmond Maire, et puis il y avait aussi au niveau politique, il y avait Rocard qui avait écrit un livre sur l'autogestion, tout le monde était branché là-dessus, sur le socialisme démocratique, la planification démocratique et l'autogestion. Avec l'appropriation sociale des moyens de production. Voilà en gros un petit peu les bases sur lesquelles on était. Et on y a cru, jusqu'à l'après-LIP. LIP était un peu le modèle, le phare de ce qu'on souhaitait, quoi. C'était la preuve que les ouvriers, les salariés dans leur entreprise étaient en capacité de gérer leur entreprise, de fabriquer et de vendre sans patron. Voilà, c'était à peu près ça, quoi. Donc, oui, le film se termine, enfin, la fin du film arrive jusqu'à cette période-là, qui fut une période importante, mais après, il y a eu un peu cette déception, parce que je crois qu'on avait oublié que la mondialisation existait, et le poids de la mondialisation a fait que, tout ce dont on rêvait, au niveau français, bien sûr, après ça n'a pas pris corps avec les... Il aurait fallu que ça prenne corps au niveau européen et puis au niveau mondial, et là on n'avait pas cette force suffisante. D'accord. Alors toujours est-il que le film l'évoque très peu, mais il ne pouvait pas évoquer toute l'histoire de la CFDT. C'est qu'il va y avoir dans la CFDT ce qu'on a appelé le recentrage. Et le recentrage, c'est un recentrage sur les luttes syndicales, c'est un recentrage moins politique, on va dire, moins autogestionnaire, et l'autogestion va même finir par disparaître du vocabulaire de la CFDT. Donc ça, c'est une autre histoire que le film n'évoque pas. Le film, il est sur la première évolution de la CFDT jusque vers 1974. Absolument, on est resté sur l'histoire. Voilà. Oui. Alors, on est resté sur l'histoire, mais la suite ne pouvait pas être... n'aurait pas pu trouver sa place dans l'autre film. Voilà. Alors... peut-être, on pourrait peut-être, je ne sais pas, tu as dit que le film était très moderne. Tu penses à quoi, par exemple? Alors, qu'est-ce qui le rend attrayant? Alors, je crois que ce qui le rend attrayant, c'est elle a mis, alors quand je dis elle, c'est Sophia Perrier, qui est donc la jeune réalisatrice. Elle a mis des choses très différentes de ce que Dominique Perrier avait mis dans le film sur l'Algérie, à savoir par exemple des dessins animés qui viennent imager ce que disent un certain nombre de témoins. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est plus moderne. Et puis bon, j'ai vu qu'à travers le matériel qu'ils avaient, ils avaient un matériel caméra, tout ça, qui était très différent de ce que Dominique Perrier utilisait à cette époque. Donc en deux ou trois années, les choses ont beaucoup évolué, tant sur le plan technique que sur la réalisation elle-même du film. D'accord. Voilà. Donc on vous engage fortement à aller voir ce film. Et pour le moment, il y a deux projections de prévues. Alors, oui. les retraités de la CFDT font une projection. Alors, donc, ce sera lundi 13 octobre à 14h au Méliès. Donc, c'est particulièrement les retraités de Saint-Étienne, parce qu'un peu plus tard, je crois que c'est le 5 décembre, il y aura une projection à Unieux. Et puis, vous-même, alors, c'est ça, laisse le dire, le lendemain. Donc, l'association S'informer et échanger de l'Orme fait une soirée le 14 octobre à partir de 19h, où on aura une projection du film suivie d'un débat. Débat auquel participeront Pierre Héritier, dont on a parlé tout à l'heure, Georges Goubier et Jean-Paul Bentière, ici présents. Voilà. Donc le 14 octobre à partir de 19h. Et maintenant, je crois qu'on va laisser, pour terminer, on va laisser nos techniciens nous passer le drapeau rouge. Alors, d'abord, nous allons rappeler que cette émission sera diffusée sur les antennes de Radio Audio et qu'elle peut être réécoutée sur le site internet www.gremos.lautre.net. Et d'autre part, que notre prochaine émission sera prévue pour le jeudi 13 novembre et qu'elle aura pour sujet l'immigration avec Catherine Gauthier. Eh bien, donc effectivement, nous allons nous achever, puisque il a été plus ou moins question de la CFDT, CFTC, syndicat jaune ou pas, nous allons achever cette émission par la diffusion du célèbre chant, vous voyez, le drapeau rouge. Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main d'effroi, emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'ombris au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, c'est l'ombris au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Sous la commune, il flotte encore, à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, ses longs plis au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Noble étendard du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur, à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur. Le voilà,